Chapitre 7e, la Hazrine de Grande Terre. Entre, lance une voix impérative d'homme. Il plastronne derrière un imposant et élégant bureau, assis sur un large et très confortable fauteuil de cuir marron luisant. L'homme est de taille moyenne, la cinquantaine d'années, vêtu d'un costume sombre, sur une chemise blanche et portant une cravate bleue. La main gauche est tournée d'une grosse bague d'or à l'annulaire. Le poignet exhibe une montre imposante et de marque fameuse. Ce qui frappe surtout en causant un malaise, c'est l'aspect glacé des yeux de cet homme, évoquant le regard d'un tigre à l'affût d'une proie. Des lèvres minces augmentent la désagréable impression d'être sous la menace d'une affreuse bête affamée, prête à bondir sur sa victime pour se délasser de sang et de chair. Une jeune femme au voile noir s'avance vers lui lentement. Arrivée tout près du bureau, elle s'immobilise. « Bonjour, Hazrine, » dit la bête. Ce dernier terme est celui par lequel la nouvelle arrivée nomme en elle-même celui qui vient de parler. Quant au premier mot, Hazrine, par lequel elle vient d'être interpellée, l'homme l'avait choisi. À la femme, cette qualification est totalement déplaisante. Toutefois, elle n'a jamais osé le déclarer. Voici comment elle en fut étiquetée. Le jour où l'homme l'a connue, il lança d'un ton rusé. « Tu es musulmane, n'est-ce pas ?» Étonnée par la demande, la jeune femme se reprit et confirma « Certainement. »« Alors tu connais Hazrine ?»« Hazrine. » Croyant qu'il s'agit du nom ou du pseudonyme d'un homme, elle affirma aussitôt « Non, je ne le connais pas. » L'homme éclata d'un rictus sardonique. « Comment ça ? L'ange de Dieu, tu ne le connais pas ?»« Ah, je comprends, » reconnut-elle, intimidée. « C'est l'ange chargé par Dieu de surveiller nos actions, non pas les bonnes, mais les mauvaises. » Il esquissa une sorte de ricanement, puis continua. Puis, après la mort, dans l'au-delà, il en informe Dieu. Alors ce dernier effectue son jugement, puis charge Hazrine de punir les mauvaises actions. La femme ne répondit rien. « Alors ce Hazrine, tu le connais, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle. « Et bientôt, tu seras notre Hazrine dans les quartiers de Grande Terre. Au sein de la population de ton quartier, tu seras notre œil et notre oreille. Mais comme je ne suis pas Dieu, et tu n'es pas un ange, tu accompliras ta mission en échange d'un bon salaire, indispensable à toi et à ta famille. » La femme devint ainsi ce genre d'ange parmi ses voisins de quartier. « Enlève ton voile et assieds-toi, belle Zara, » ordonne l'homme en prononçant les deux derniers mots d'un ton mielleux. Elle obéit. Une fois débarrassée du voile, elle regarde l'homme, attendant qu'il parle. Lui, au lieu de s'exprimer, promène ses yeux sur la poitrine de la jeune femme d'un air ouvertement admiratif. « Décidément, tes parents t'ont donné le nom convenable, Fleur. Une belle fleur, vraiment. Allah Ibarak. Que Dieu y ajoute. » Cette appréciation ne plaît pas du tout à la femme. Elle sait la vie libido suggérée par ce faux compliment. Zara est la fille qui habite l'appartement du rez-de-chaussée de la tour A à Grande Terre, l'immeuble où réside également Karim. Pour ambrée, grands yeux de marron vert clair, longue chevelure noire chatoyante, un cou élancé, une poitrine à tenter le plus vertueux des mystiques religieux, enfin une Cléopâtre mais au nez parfait. Le téléphone portable sonne sur le bureau. L'homme le saisit et écoute. Quelques secondes après, il déclare, tout excité et content. « Bien, très bien, bravo !»« Alors va trouver notre ami où tu sais, et dis-lui que l'affaire est très importante, qu'il n'y a pas à se faire de scrupules, mais uniquement foncer, sans faire de quartier. » Il écoute encore, puis « Oui, évidemment, j'aime cette marque. Il faut absolument trouver le moyen de l'importer. Et puis, il faut que tu te procures l'autre chose que je t'ai indiquée. » En allant voir qui tu sais. » À ces propos, la jeune femme est prise de dégoût pour cet individu, et dire que c'est un responsable, chargé de l'ordre et de la sécurité. Il traficote pour s'enrichir et jouir, pendant que nous, gens du peuple, nous sommes angoissés pour trouver un sachet de lait, une place dans un bus ou un lit d'hôpital, si on a le malheur de tomber malade. Sa conversation finie et très satisfait, le fonctionnaire s'adresse à Zara. « Aya Ashaba. » « Allez, la belle, parle, je t'écoute. » Elle raconte la conversation entendue au bar entre Karim et Silafid, alors qu'elle se tenait devant la vitrine d'une boutique toute proche. Puis elle relate le raid de nettoyage avec Saïd. « Ah !» commente le représentant de l'État, estimant se trouver en présence d'un défi. « Il nous nargue et il se croit malin. Et le reste » demande-t-il. « Quel reste ?» Le motif réel des relations entre ce Karim et Silafid est le motif de la raid à Saïd. Zara le regarde, prise au dépourvu. Il faut, relance le fonctionnaire, que tu découvres ses motifs et tout ce que tu peux découvrir sur ces deux lascars. certainement des Faoudaouin, des fauteurs de désordre, mais nous devons disposer de preuves. Tu es payé pour les trouver et me les apporter. Oui, répond-elle machinalement. Allez, conclut le policier, au travail et le plus rapidement possible. Elle se lève pour partir. Ah, n'oublie pas, ajoute l'homme, que tu es payé non pas pour rester chez toi, mais pour chercher et m'apporter les informations dont j'ai besoin. Et plus elles seront importantes, plus ton salaire sera amélioré. Ne l'oublie jamais.